Écouter un écrivain, entendre son œuvre, des entretiens, des lectures. Un été d'écrivain, c'est tout l'été sur France Culture entre 20h et 21h. Des auteurs français, des auteurs étrangers. Jean-Philippe Toussaint. Annie Ernaux. Antonio Lobo Antunesch. André Brink. Jean d'Ormesson. Lydie Salbert. Et toute cette semaine, le romancier Mathias Sénard s'entretient avec Olivier Rollin. Voix nue. À voix nue. Toute cette semaine, Mathias Sénard rencontre Olivier Rollin. Ce soir, forme. Olivier Rollin, bonsoir. Bonsoir. Malcolm Lowry écrit dans la fameuse lettre qu'il envoie à son éditeur pour expliquer son grand roman « Sous le volcan », ce livre a été agencé, contre-agencé et amalgamé de façon qu'on puisse le lire un nombre illimité de fois, sans avoir épuisé tous ses thèmes, son tragique, sa poésie. Vous avez écrit aussi, vous, un livre comme ça, un livre qu'on peut lire un nombre illimité de fois, dans tous les sens, et c'est « L'invention du monde ». Au titre déjà d'une ambition extraordinaire. Et justement, j'aimerais qu'on revienne sur ce projet absolument magnifique. Dernier projet d'un monde qui se termine, qui est le monde sans Internet. Oui, oui. Et premier projet d'un nouveau monde, justement, qui s'ouvre, qui est celui de la mondialisation. Oui, c'est en effet assez curieux que j'ai été comme un prédécesseur inconscient de la mondialisation. On ne sait pas très bien comment naît le projet d'un livre. Enfin, c'est pas, enfin, en ce qui me concerne, en tout cas, ça n'est pas comme ça un jour une idée qui vient, on se met au travail. Et non, c'est une affaire lente. C'est une capillarité de tas de petits ruisselets de causes qui vont finir par donner un projet. Bon, il y avait évidemment donc cette curiosité que j'ai éprouvée assez tôt pour la diversité du monde. Je n'ai jamais constaté ce lieu commun faux, selon lequel le monde serait partout semblable, selon lequel il aurait tendance à s'homogénéiser, etc. Enfin, on voit bien ces temps-ci d'ailleurs qu'il n'est pas, c'est pas tout à fait pareil d'être à Mossoul ou d'être ici, par exemple. Et enfin, bref, donc voilà la diversité du monde. J'ai une grande curiosité vis-à-vis de ça. J'ai envie d'aller voir à quoi ça ressemble, quoi. Et puis, mais d'un autre côté, le monde est, on peut pas se le représenter. On peut pas se représenter la simultanéité de tout ça. On peut pas se représenter. C'est vraiment à l'extrême limite de l'imagination. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans un village de Chine? Donc, ce caractère intrigant et échappant à la représentation que prend le monde dans sa globalité, j'avais envie justement, puisque c'était quelque chose qui semblait hors de portée, j'avais envie d'essayer. Bon, j'ai mis, je crois, si je me souviens bien, en exergue, ou en tout cas je la cite quelque part, cette phrase de Calvino qui dit que la littérature doit se fixer des buts presque impossibles à atteindre si elle veut servir à quelque chose et survivre. J'aime beaucoup cette pensée, j'y crois fortement. Voilà, donc c'était ça, tailler un costume de mots au monde. Et vous faites, Olivier Rollin, le projet fou de raconter dans son intégralité une journée du monde. Oui, oui, la journée de l'équinoxe de printemps de 1989. Mais comme je n'ai pas une imagination inépuisable, je ne vais pas inventer la vie de centaines ou de milliers de personnages. Enfin, je vais l'inventer en partie, mais je me base quand même sur une montagne de quotidiens que je me suis fait envoyer, de quotidiens du même jour, du monde entier. Bon, 500, environ 500 quotidiens en je ne sais plus combien, entre 35 et 40 langues. que j'ai passé des années ensuite à dépouiller, à traduire ou à faire traduire, parce qu'évidemment, la plupart des langues, je n'en ai pas de connaissance. Et voilà, tout ça pour aboutissant à une masse énorme d'informations informes, justement. Enfin, le premier état, c'est quelque chose qui ne ressemble à rien, qui n'a aucune qualité, aucun air littéraire. Après, il s'agit de transformer ça en un récit, un Carmen Perpetuum, parce que je reprends l'expression d'Ovide, avec non sans quelques présomptions peut-être. Et Olivier Rollin, donc le livre s'organise à partir de ce matériau que vous faites traduire, donc vous recevez tous ces journaux. Oui. En fait, il y a eu un jour, j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas eu un jour où j'ai conçu le projet. C'est venu lentement, mais en revanche, il y a eu un jour dont je me souviens, où j'ai eu une espèce de révélation de la forme que ça pouvait prendre. Et comment dire, si je n'avais pas eu l'idée de cette forme, je serais resté jusqu'à la fin de mes jours avec cette masse d'informations qui ne servait à rien. Et alors, ce jour-là, j'étais au Portugal, justement, et je me suis dit deux choses. Je me suis dit, d'une part, ça va être un discours qu'un narrateur, une espèce de narrateur omniscient, omnivoyant, quelque chose comme dans l'Antiquité le dieu Apollon, voilà, qui fait le soleil, qui est supposé faire le tour de la terre et voir tout. Et il aura d'ailleurs aussi cette caractéristique d'Apollon d'être un grand dragueur. Bon, et donc en fait il va repérer sur la surface de la Terre des figures féminines, et tout le livre sera une espèce de discours de séduction adressé à ces figures. Alors ça, c'était la première forme, quoi. Et puis la seconde, ce sera aussi une espèce de bibliothèque implicite, c'est-à-dire que je reprendrai et je saluerai, je parodierai dans une certaine mesure des livres qui ont manifesté une espèce de volonté globalisante comme celle que j'ai maintenant. Donc il y a des chapitres qui font allusion à Marco Polo, il y en a d'autres qui renvoient, je sais pas, aux Lusiades de Camoens, mais ça peut être aussi une volonté globalisante autre, parce que par exemple il y a aussi la vie mode d'emploi dans mes paradigmes cachés, plus ou moins cachés. Donc voilà, la double idée, c'est ça va être un discours de séduction adressé à des figures féminines, et ce sera une espèce de bibliothèque universelle. Alors voilà, j'ai cette idée au Portugal, à Sesimbra, et j'étais tellement heureux de l'avoir, tellement ébloui par cette sorte de révélation, que je me souviens, je me suis couché. Je me dis, je vais pas m'y mettre maintenant, c'est trop bien, je vais pas gâcher ça en essayant de mettre en pratique tout de suite. Donc voilà, je me suis allongé, je suis resté dans une espèce d'état de béatitude imbécile pendant, je sais pas, plusieurs heures. Je raconte ça, je n'aime pas les écrivains qui donnent un caractère sacré, de transe, d'enthousiasme, qui se considèrent comme des espèces de prêtres d'une religion littéraire. Je n'aime pas ça du tout. Mais là, dans ce cas-là, je le dis en me marrant, mais ça a été en effet comme une sorte de révélation. Et ensuite, Olivier Rollin, il faut choisir tout ce matériau. Et donc, comment vous avez fait? Puisque vous avez reçu donc des centaines de quotidiens, mais il faut les lire ou les faire traduire intégralement et procéder à ce montage. Et comment vous avez choisi justement les anecdotes qui vont constituer le cœur de l'invention du monde? La référence à certains livres permettait d'opérer déjà une espèce de discrimination dans la masse des histoires, des anecdotes, des personnages que j'avais. Quand je salue ou quand je renvoie à Autour du monde en 80 jours, par exemple, je ne vais pas raconter les mêmes histoires que quand je salue La vie mode d'emploi. Bon. Et puis, il y a eu un très long temps où je classais les choses de façon complètement, au gré de ma fantaisie. Alors, par exemple, je mettais ensemble toutes les... Heureusement que les ordinateurs existaient déjà quand même à l'époque. Bon, ça m'a quand même pas mal aidé. Je mettais ensemble tout ce qui se passait la nuit. Alors voilà, j'avais un énorme dossier qui s'appelait « Histoire de la nuit ». Et puis, dont j'ai gardé des bouts. D'ailleurs, il y a des chapitres qui sont des morceaux de l'histoire de la nuit. Et puis, il y avait le feu. Et puis, il y avait... enfin voilà, je faisais des classements un peu poétiques qui m'ont aidé aussi ensuite à trouver des cheminements hasardeux dans la masse de ma documentation. Olivier Rollin, Et donc dans l'invention du monde, au moment où vous faites ce dépouillement, vous avez cette révélation qu'on pourrait appeler la révélation de Sesimbra au Portugal. Est-ce que vous envisagez déjà ça comme un énorme projet? Est-ce que vous savez toute l'importance que ça va avoir? Ou est-ce qu'au contraire, vous vous laissez vraiment guider par ce flot de matériel? Je ne sais pas du tout la taille que ça va avoir, sauf que j'ai l'idée un peu banale d'ailleurs, un peu bêta, qu'il y aura 48 chapitres. Une journée, enfin une date sur la Terre existe pendant 48 heures. Quand il est 1h du matin aux îles Fidji, du lundi, mettons, nous sommes toujours le dimanche, mais quand il sera minuit en Alaska, enfin bref, 48 heures auront tourné. Donc je voulais qu'il y ait 48 chapitres. Voilà, c'est une idée, encore une fois, pas très maline, mais donc je me doutais que ce serait un gros livre, oui, en effet. Et puis de toute façon, ça faisait justement tout le travail de traduction, de dépouillement, de faire ces classifications un peu bizarres, l'histoire de la nuit, histoire du feu, histoire de la pluie, etc. Tout ça m'avait pris quand même déjà, je sais plus, de plusieurs années, enfin de plus de 2 ans. Donc j'avais quand même une conscience, y compris, je sais pas, physique, enfin de la... que c'était un objet super massif. Oui. Non, parce que Olivier Rollin, on pourrait croire que la Terre peut-être se résumer à des choses, ou une journée sur la Terre pourrait se résumer à des choses finalement pas forcément si volumineuses que ça. Il y a deux ambitions littéraires possibles. Il y a soit trouver le mot qui résume l'univers, ou en tout cas la figure très concise qui rend compte du monde. Disons que c'est une démarche sans doute plus intelligente, plus abstraite. Et puis il y a au contraire c'est Calvino qui dit ça quelque part, je crois dans les leçons américaines. Enfin bon, l'autre direction, c'est au contraire d'essayer de rivaliser avec la masse, avec la profusion, avec la bigarrure du monde. Et c'est celle que j'ai choisie parce que je suis pas assez intelligent pour trouver le mot qui résume l'univers. Mais en revanche, j'avais de la force, de l'énergie. Ce qui frappe justement quand on relit votre œuvre, au-delà de l'invention du monde, c'est la diversité de la forme. C'est-à-dire comment chaque projet correspond à une narration, une forme romanesque tout à fait différente, qui sont donc aussi originales que celle de l'invention du monde, par exemple, ou encore plus surprenante, celle de l'Hôtel Cristal, suite à l'Hôtel Cristal, où vous utilisez... Vous poursuivez votre hommage à Georges Perec, que vous veniez de commencer dans l'invention du monde. Olivier Rollin, pour un projet lui aussi mondial et universel, mais totalement différent. Je crois, enfin, je ressens profondément que la forme d'un livre, c'est ce qui fait que c'est un livre et pas simplement une collection de pages, un machin pour opposer un cendrier. Donc la forme, c'est extraordinairement important, mais ça n'est pas l'objet d'un... proprement parler d'un calcul ou d'une décision, d'une planification, c'est pas bon, c'est une chose que le livre lui-même, enfin le livre à venir s'impose. Bon, loin de moi l'idée de me comparer à Tolstoï, certes, mais je me souviens à la fin de la guerre et la paix, il dit ce livre n'est ni qu'est-ce que la guerre et la paix, ça n'est ni un roman, ni un poème, ni un livre d'histoire, etc. C'est tout ça à la fois. Il n'y a aucun livre, dit-il d'ailleurs, dans la littérature russe un peu novatrice, qui n'échappe à la forme traditionnelle du roman, de l'essai, etc. Et il dit c'est ce que l'auteur a voulu et pu faire dans la forme où ça s'est fait. Voilà, c'est tout. C'est bon. Et donc, c'est le projet, oui, c'est le livre à venir, c'est le projet qui n'est pas complètement conçu, mais qui quand même déjà s'est emparé un peu de votre esprit, de votre lexique, etc., de votre imagination. C'est ce projet-là qui dicte une forme et qui, en effet, à chaque fois, est différente, parce que, à moins qu'on écrive toujours le même livre, enfin, à moins qu'on écrive toujours, qu'on ait toujours qu'on raconte toujours le même genre d'histoire, qu'on ait toujours le même genre de projet, mais ça n'est pas mon cas, je crois. Et donc, ce sont à chaque fois des formes différentes et qui s'imposent à vous de façon à peine consciente, enfin, dès le début. Enfin, en tout cas, ça doit s'imposer dès le début, dès les premières pages. Sans ça, tout est raté, quoi. Enfin, je veux dire, ça ne pourra pas se développer. Le livre ne pourra pas se développer. Mais le projet peut être présent même avant. C'est-à-dire que le livre, Olivier Rollin, peut découler d'un projet très précis comme ce projet assez étrange qui consiste à noter et décrire très précisément toutes les chambres d'hôtel dans lesquelles on a vécu, habité une nuit, plusieurs nuits, tout autour de la planète. Oui, mais au départ, c'était pas d'ailleurs un projet littéraire. Enfin, c'était une manière d'abord de lutter contre une chose qui m'a obsédé toute ma vie et qui m'obsède de plus en plus d'ailleurs, et qui est l'érosion de la mémoire. Et donc, je m'étais dit, d'une façon un peu comme ça, par boutade, bon, j'oublierai peut-être toute ma vie, mais au moins, je me souviendrai des chambres d'hôtel dans lesquelles j'ai séjourné. Et puis, il y avait, là encore, vous l'avez dit, une référence, une révérence à Pérec, puisqu'il dit aussi quelque part qu'il se souvient parfaitement de toutes les chambres dans lesquelles il a dormi, etc., et qu'il en fera le compte et la description, puis finalement, il n'a pas eu le temps de le faire. Et puis enfin, c'était un exercice, et là aussi c'était en référence un peu à Pérec, je dirais un exercice de gymnastique. Gymnastique lexicale, quoi. Vous savez, Pérec dit, on ne sait pas regarder, on ne sait pas décrire, il faudrait décrire les choses les plus simples. Bon. Voilà, une chambre d'hôtel, on n'y fait pas attention, c'est en général toujours un peu banal, un peu standard. S'efforcer de trouver les mots pour décrire le couvre-lit, la chaise, l'affreux chromo qui est pendu au-dessus du bureau, toutes ces choses-là. Voilà, c'est comme un exercice, oui, de musculation, de musculation du lexique. À vrai dire, c'était assez ennuyeux à faire. Bon, ça me prenait beaucoup de temps. Je faisais cette collection de textes qui n'avaient pas d'autre fonction que celle que je viens de dire. Et puis un jour, il m'est venu l'idée en discutant d'ailleurs avec celui qui sera l'éditeur de ce livre, qui est Maurice Hollander, la librairie du XXe siècle, 21e maintenant, il m'est venu l'idée de marier à ces descriptions qui sont très rébarbatives, qui sont très nouveau roman, enfin le plus ennuyeux du nouveau roman, de développer à partir de cela, au contraire, une histoire complètement loufoque, complètement abracadabrante, parodiant des romans policiers, de l'espionnage, des romans de cul, etc. Voilà. Donc voilà la genèse de ce projet et donc de la forme qu'il a adoptée. Je peux m'empêcher de vous poser la question, Olivier Rollin. Qu'est-ce qu'il y a d'ennuyeux dans le nouveau roman? Disons que c'est la description extrêmement minutieuse, même si je pense, avec Claude Simon par exemple, qu'il cite Tinianov et formaliste russe, etc. Mais en effet, moi je suis un partisan de la description. Je pense que la description a un rôle majeur dans l'économie du roman. Bon. Mais quelquefois, ça peut être quand même un petit peu, ça fait un peu procès-verbal d'huissier, quoi. Oui, mais la description, c'est pas uniquement le nouveau roman, c'est aussi grande partie du roman du 19e siècle, du roman lui-même. Je suis assez d'accord. Enfin, c'est une idée qu'il développe dans son discours de Stockholm, dans son discours du Nobel, Claude Simon. C'est que quand même, ce qui caractérise le roman moderne, le roman du 20e siècle, c'est que la description prend le pas sur, est un élément qui prend le pas sur l'action, l'intrigue. Je crois quand même que c'est vrai. C'est vrai particulièrement dans Claude Simon, par exemple. La phrase donne justement une force tout à fait différente à ces descriptions. La phrase ainsi que le fait qu'elle soit là presque, comme vous le dites, pour elle-même. Et je me souviens d'ailleurs que vous décriviez à un moment une botte d'asperges et des objets du quotidien. Oui, c'est un travail que je suis sur le point d'achever, enfin, que j'ai achevé même la partie, parce que je fais ça en collaboration avec un ami graveur, donc lui n'a pas tout à fait terminé la partie graphique, enfin, mais moi j'ai terminé les descriptions. Oui, c'est ça, je me suis astreint à décrire de la façon la plus minutieuse possible, la plus précise, la plus maniaque, des petits objets qu'on regarde, enfin des choses plutôt, un artichaut, une asperge, un galet même, voilà. Alors évidemment, c'est aussi un peu en référence, il y a un maître de la chose, un initiateur du genre, bien sûr, qui est Francis Ponge. Enfin voilà, je compte publier prochainement ces petites natures mortes, mon petit parti pris des choses. Et donc Olivier Rollin, il y a un intérêt pour la forme, presque un formalisme recherché et désiré, comme dans Suite à l'Hôtel Cristal, cette énumération de chambres d'hôtel, et aussi parfois un très grand lyrisme où le roman se laisse aller à s'envoler vers des envolées peut-être bien plus personnelles et poétiques. Donc tout n'est pas description très minutieuse, mais peut-être aussi un grand lyrisme. D'ailleurs, votre œuvre s'ouvre un peu comme ça, après un phénomène futur, roman politique d'anticipation. Votre premier roman de voyage, Le Bar des Flots Noirs, est aussi un grand roman lyrique. Oui, peut-être un peu trop. Je crois que chaque... Enfin, je reviens sur une chose que j'ai déjà un peu dite, mais je vais peut-être le dire différemment. Je crois que chaque livre, et même à l'intérieur d'un livre, chaque développement d'un livre suscite sa propre longueur d'onde. Je trouve que cette image est un peu éclairante. Voilà, il y a des livres où il y a des parties de livres qu'on écrit en onde courte, il y en a d'autres qu'on écrit en onde longue, il y en a d'autres qu'on écrit en modulation de fréquence, etc. Alors, je ne dédaigne pas, je ne dédaigne pas qu'il y ait de temps en temps, de faire un peu ronfler l'orchestre symphonique, qui n'est pas simplement un petit solo de piano. Encore une fois, il faut que ça corresponde à l'objet, quoi. Je veux dire, si on veut, dans l'invention du monde, quand je me mets à décrire les océans, bien sûr que je ne vais pas faire ça comme Francis Ponge décrivant un verre d'eau. Bon, il faut une autre longueur d'onde, il faut que ça gueule, quoi. Il faut y mettre tout l'orchestre. Mais voilà, la difficulté, enfin l'intérêt aussi de l'art d'écrire, c'est justement d'adapter, de savoir trouver la longueur d'onde qui convient. Par exemple, dans Bar des Flots Noirs, à vrai dire, c'est un livre auquel j'adresserai maintenant des critiques. D'ailleurs, je l'ai fait, tant que je me souvienne, quand le Seuil m'a proposé là de réunir mes livres dans deux gros énormes volumes qui s'appellent Circus 1 et 2, j'ai fait des avertissements, des prières d'insérer, enfin souvent passablement ironiques sur certains de mes anciens livres. Alors Bar des Flots Noirs, il y a quelquefois un lyrisme un peu facile, un peu relâché, quoi. Et puis il y a aussi de... C'est drôle parce que j'ai été amené à en lire. Il y a des choses que j'aime bien aussi dedans, hein. Mais j'ai été amené l'autre jour à en lire dans une manifestation à la Maison de la Poésie, et je m'apercevais qu'il y avait des phrases un peu à la Malraux, quoi. Des phrases qui sont des belles phrases, comme on dit, des phrases qui sont supposées faire réfléchir. Et ça va pas, ça. Ça prend la pause, quoi. Voilà, enfin, bon, il y a des défauts dans ce livre, il y a aussi une espèce d'exotisme, un peu de quelquefois un peu de pacotille, quoi. C'est-à-dire quand je parle de Buenos Aires, inévitablement, il y a du tango, les machins comme ça. Bon, il y a surtout la violence politique, les enlèvements, les assassinats, et ça, je crois que c'est bien, je crois que cette partie-là tient le coup. Mais le côté tango, j'étais un peu un jeune couillon comme ça, qui découvrait le monde, qui était émerveillé. Il y a plein de mots d'espagnol, parce que j'avais appris l'espagnol sur le tas, j'étais tout émerveillé de parler une nouvelle langue, quoi. Voilà, il y a des quelques puérilités, et aussi un lyrisme un peu incontrôlé. Olivier Rollin, lyrisme, souci de la forme dans vos romans postérieurs, et aussi une grande générosité vis-à-vis de l'œuvre des autres. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui vous inspirez de compagnons, on pourrait dire, que sont, vous avez cité Georges Perec, Francis Ponge, mais aussi Malcolm Lowry, Blaise Cendrars, Henri Michaud. Et on a l'impression, en vous lisant, que le livre se construit donc par un projet sur telle ou telle longueur d'onde, comme vous venez de dire, mais aussi avec telle ou telle résonance, tel ou tel souvenir, telle ou telle perspective littéraire donnée par vos lectures, romans russes, enfin, ce serait, on ne pourrait pas les citer toutes, mais on voit aussi toute la profondeur de votre travail, qui est cette dimension historique et extraordinairement littéraire. Oui, on peut trouver d'ailleurs, certains trouvent que c'est un défaut chez moi. Mais il est vrai que j'ai tendance à, quand je commence à écrire, d'abord je commence pas très souvent à écrire, je le déplore d'ailleurs, mais il se passe souvent beaucoup de temps avant qu'un projet finisse par exercer son attraction, quoi. Il se passe souvent plusieurs années. Mais en tout cas, quand je commence à écrire, en effet, il y a une attraction. Enfin, je compare souvent les choses. Je prends toujours des comparaisons dans le monde de la physique, de la cosmologie, etc. Mais il y a une gravitation. Il y a une attraction qui se fait, qui attire tout le reste. Et qui attire notamment des souvenirs de lecture, qui attire des grands prédécesseurs. Et alors, il y a beaucoup de livres dans mes livres. Il y a beaucoup de références, plus ou moins explicite, souvent pas explicite du tout, souvent des phrases comme ça qui sont quelques-unes qui même sans doute m'échappent. Enfin bon, tout d'un coup il y a un vers d'Apollinaire qui arrive. Voilà, j'écris oui à part beaucoup en cannibalisant la littérature que j'aime. Alors on peut trouver que c'est un, on peut me le reprocher. C'est quand même pas l'essentiel de ce que j'écris, mais il y a ce côté-là, ce côté palimpseste, ce côté cannibale. Non, mais... Alors, est-ce que vous cannibalisez toujours les mêmes ? Non, mais enfin, j'ai dû cannibaliser pas mal. En effet, ceux que vous avez cités, là, Sandrard, Michaud, enfin, des écrivains extraordinairement différents, dire, parce que quel point commun entre Sandrard et Michaud, par exemple ? À part que l'un était suisse et l'autre belge, mais... Donc, il y a un grand éclectisme chez mes... Enfin, j'ai un grand éclectisme dans le choix de mes lectures, de mes références, disons qu'il y a assez peu de chances pour qu'on trouve jamais une citation cachée de Gide dans un de mes livres. Merci Olivier Rollin, on vous retrouve demain pour notre dernier entretien. Volontiers. Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Mathias Sénard avec Olivier Rollin. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, Mathieu Maroudin, réalisation Vincent Abouchard, coordination Sandrine Trainer. Cette émission s'écoute en ligne pendant une durée de 1000 jours et ce podcast pendant un an sur franceculture.fr. France Culture, un été d'écrivain. France Culture, un été d'écrivain. Deuxième partie, le temps des lectures. Tout l'été, nous prolongeons les entretiens avec des écrivains par des lectures de leurs œuvres. Ce soir et toute cette semaine, nous écoutons Olivier Rollin, lisant lui-même ou lu par des acteurs. L'œuvre de Olivier Rollin est multiple et chaque livre est comme une facette particulière de cette œuvre rassemblée dans la collection Fiction et compagnie aux éditions du Seuil sous le titre Circus. Voici donc un circus radiophonique proposé à partir de 5 livres choisis par Olivier Rollin lui-même. Méroé, Tigre en papier, L'invention du monde, Le météorologue et ce soir Un chasseur de lions présenté par Olivier Rollin. Le chasseur de lions, c'est Eugène Pertuiset, personnage farcesque et balourd, explorateur, trafiquant d'armes, magnétiseur, peintre du dimanche, qui fut un ami d'Édouard Manet. Le théâtre de ses déplorables exploits va de l'Algérie coloniale à la Terre de Feu en passant par le Pérou. Mais dans les pages qui suivent, nous sommes à Paris. Il pose pour le portrait que Manet fit de lui en 1881 et qu'on peut voir à présent au Musée des Beaux-Arts de San Paolo. Pages arrachées à Olivier Rollin. Quatrième épisode. Un chasseur de lions. Un cache-sexe en peau de rat. Dans le jardin du passage de l'Élysée des Beaux-Arts, Manet esquisse quelques arbres. La pénombre bleutée que tamise le feuillage. Puis il se transporte, Pertuiset et lui, à l'atelier, qui n'est plus celui qu'il aimait, rue de Saint-Pétersbourg, sur le bord de la tranchée où fument les locomotives. L'exposition privée qu'il y a organisée a connu un tel concours que les voisins dérangés ont protesté et que le propriétaire lui a donné son congé. Il y a recueilli sur le registre proposé aux visiteurs son lot habituel d'outrages. Mais il y a aussi connu Mary. Mary est une belle blonde au charme généreux. Et son protecteur, le dentiste américain de feu Napoléon III, qui a aidé la grosse Eugénie à fuir, est généreux aussi. Cela tombe bien. Avec tout cela, Mary est intelligente. On n'imagine pas qu'une femme qui sera l'amour de la vie de Mallarmé soit une sotte. On se transporte donc au 77 rue d'Amsterdam. Les séances de pause sont longues et nombreuses. Manet se fatigue vite. Sa jambe gauche le gêne, ankylosée, irritée de 1000 petites piqûres. Ces douleurs qui sont apparues quelques années auparavant, il veut croire qu'elles sont dues à des rhumatismes. Lui, qui était un athlète de la peinture, qu'une furie, au dire de Mallarmé, jetait vers la toile, il doit souvent faire une pause pour s'allonger et reprendre des forces. Pertuiset le distrait avec le récit de ses aventures. La nuit tombe sur les collines d'Afrique. La fumée des feux monte, violette, au-dessus des douars que le couchant teinte de rose. Vous voyez le tableau, cher maître ? Soudain, rauque, haletant puis s'étranglant en grondement, éclate un cri formidable qu'on dirait poussé par un géant d'airain. Même dans les poitrines les plus courageuses, le cœur, une seconde, s'arrête de battre. La nuit est noire, impénétrable. Des craquements, des petites courses, un cri étouffé signale alentour le grouillement de la vie sauvage. Parfaitement immobile au sein du fourré, maîtrisant le rythme de sa respiration et même les battements de son cœur, c'est une discipline, cher maître, que seuls peuvent avoir ceux qui possèdent une grande force magnétique. L'intrépide chasseur de lions attend. Soudain, averti par quel mystérieux signal, il se retourne. Et là, à 30 pas peut-être, deux yeux flamboyants, énormes. Pertuiset cause, brode, enjolive, intarissablement pompeux. Comme un grimpeur qui va de piton en piton, il raconte de poncif en poncif. Il a besoin pour avancer dans son histoire de la solidité rassurante du lieu commun. Boudiné de draps verts sombres, boutonné jusqu'au cou épais, un genou en terre, la crosse de la lourde carabine de Vim calée dans la saignée du coude droit, il est à l'affût, dans l'atelier de la rue d'Amsterdam. Manet mélange sur sa palette des garances et du blanc de ses ruses. Il arrondit un visage d'un rose vinaigré, avec sous un nez peu marqué une moustache de morse et deux arcs broussailleux au-dessus d'yeux inexpressifs, ou bien exprimant une force butée. Derrière, sommairement rembourré de vieux vêtements, gît la peau du lion, dont ils ont essayé en vain de faire présent à l'empereur, aux Tuileries, il y a une quinzaine d'années. 4,40 m. Du mufle au bout de la queue, Monsieur God, du jockey, l'a mesuré. Il n'y a plus d'empereur. Celui qui le fut est mort. Il n'y a plus d'empire. Les Tuileries sont une grande ruine noircie par le feu, à travers quoi volent les corbeaux. Le chasseur de lions porte un chapeau noir à large ruban bleu sous lequel est glissée une plume. Ce couvre-chef qui paraît trop haut et légèrement trop étroit est d'un effet assez comique. Le chasseur de lions de Rubens portait un casque de héros de l'Iliade, mais on est loin de l'épopée, plutôt dans Tartarin. Au lieu du furieux tumulte où roulent fauves, chevaux, hommes, étoffes, nuages, aux antipodes de ce nœud baroque des chasseurs et des chassés qui inspirent de la croix, Manet plante le gros balourd aux bottes de plomb dans un paysage de jardin parisien, devant ce que les mauvais esprits vont aussitôt appeler une descente de lit, et qui ressemble plutôt à un gros phoque kaki. Le lion, cher maître, est le plus noble des animaux, le plus valeureux adversaire de l'homme. À sa voix, tout se tait comme par enchantement. Racontez-moi plutôt la rencontre avec la femme phuégienne. Demande Manet qui commence à connaître par cœur les histoires de lion. Il est allé se reposer un moment sur le sofa, sa jambe ne le portant plus. Était-elle belle ? Très belle. Sculpturale, cher maître. Une Vénus sauvage, avec des seins superbes. Un peu comme ceux de cette prétendue clochette que vous avez peint et que j'ai connue avant vous. Sauf votre respect. Connue de très près, ça, on peut le dire. Elle poussait quand nous baisions de véritables feulements. L'émeute grondait dans Lima, la fusillade crépitait, la populace traînait dans les rues les corps hideusement mutilés des frères Gutiérrez. C'était une orgie sanglante, un répugnant festin cannibale, et nous, pendant ce temps-là, nous baisions, cher maître, nous baisions comme des bêtes, nos cris se mêlaient, se confondaient à ceux de la foule surexcitée. Mais la femme phuégienne. Eh bien voilà, nous poursuivions dans une savane, un fort parti d'Indiens qui nous avait tendu une embuscade. Je galopais en tête de ma troupe, et c'est alors que leur chef à eux fit subitement volte-face. Un géant, presque nu, le visage peint de rouge et de blanc, grimaçant comme un démon. Il s'arrêta. Un imperceptible instant, nous nous défiâmes du regard. Puis il banda son arc et me visa. Mon cœur s'arrêta de battre. Je savais que sa flèche était empoisonnée, qu'une blessure même légère était mortelle. Je vis l'arc se détendre, et la flèche en bois de fuchsia frappa la côte de Marie, que j'avais eu la prévoyance de faire fabriquer par la manufacture d'armes de Châtellerault. Ce sauvage était digne d'être un chef. Sa flèche frappa à la hauteur du cœur et rebondit, en vibrant terriblement. Un cavalier moins fort et moins entraîné que moi eut immanquablement été désarçonné. J'éclatai de rire, un rire un peu nerveux, je dois le reconnaître, et cela acheva de décontenancer le sauvage qui détala de plus belle. J'aurais pu le tirer comme à l'exercice, mais je décidai de lui faire grâce. La vraie force est magnanime. Il répète la formule. La vraie force est magnanime. Tant il a le sentiment qu'elle mérite d'être remarquée et commentée. Mais Manet ne commente pas. Il s'est remis derrière le chevalet. Il a repris le pinceau. Il ajoute, de part et d'autre de la large face couleur de vinaigre, les deux touffes de poils en forme de côtelette qui achèvent de donner au chasseur de lions son air de bistrotier auvergnat. Puis il revient au lion. Il peint l'œil, avec la petite touche de blanc qui fait briller le noir. Il tourne son pinceau et fait le trou dans la tempe gauche, derrière et un peu en dessous de l'œil. Puis il effleure le pelage fauve d'une coulure de sang ocre rouge. La terre de feu ne le tente pas. Son univers, c'est Paris. Et même pas tout Paris. Le quartier de l'Europe, les boulevards, la foule élégante des trottoirs le soir, les regards qu'on croise, les parfums qu'on respire, les robes qu'on suit, les lumières des grands cafés sur lesquels passent les silhouettes des femmes, les hautes lanternes colorées des kiosques. Quand il est en vacances au bord de la mer, à Boulogne, à Étaples, il s'ennuie vite, alors le détroit de Magellan. Pour lui, le monde est fait pour aboutir au parfait jeu de couleurs que sertit le cadre d'un tableau. Pas pour y chercher l'aventure. Il ne recèle pas de trésors cachés. Il n'y a pas d'or des Incas. Il n'y a pas d'autre or au monde que ce que retient du monde le tamis de la toile. Mais les histoires de Pertuiset le distraient, comme les romans de Fenimore Cooper ou de Mayne Reid. Elle était cachée sous les herbes, effrayée, avec son enfant qu'elle serrait contre elle pour l'empêcher de crier. C'est un de mes hommes qui l'a débusqué, un nommé Le Squezic, un rustre, un ancien militaire. Il l'a saisi aux cheveux et l'a traîné comme ça au milieu de notre groupe. Je lui ai intimé l'ordre de la lâcher. Il a obtempéré en maugréant. Ne croyez pas, cher maître, que mon autorité vienne seulement de ma carrure. Je reconnais que ça aide, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, je dirais même qu'il y a surtout, la force magnétique. C'est par le regard que j'impose ma volonté. Manet, incrédule, le dévisage, puis observe les yeux qu'il a peints. Magnétique, ses yeux. C'est pourtant bien ça. Élargir la pupille, c'est peut-être justement cette fixité inexpressive qui fascine. Donc, je la relève. Elle est presque nue, avec seulement une espèce de ceinture de peau de rat en guise de cache-sexe. Assez grande, bien faite, casque de cheveux noirs, le nez légèrement épaté, mais surtout, ses seins, glorieux, vraiment. Alors forcément, ça donne des idées. Elle tremble de tous ses membres. Je comprends qu'elle a peur de nous, mais surtout des chevaux. Elle n'en a jamais vu. Elle les regarde avec terreur. Alors je flatte l'encolure de mon cheval. Je lui caresse les naseaux pour lui montrer qu'elle n'a rien à craindre de ce monstre. Elle commence à se rassurer. Je lui offre du chocolat. J'en croque moi-même devant elle. C'est alors que... Me croirez-vous, cher maître, pour répondre à mon présent, sans doute, elle met les mains en coupe sous son sein gauche, elle le soutient, le hausse et me le tend. Jour après jour, il jacte au 77 de la rue d'Amsterdam, un genou en terre, chapeau en tête, sa grosse carabine à la main. Manet peint, tout en écoutant le récit de ses mirobolantes aventures. À la fin, il y a ce portrait de Pertuiset, le chasseur de lions. 150 par 170 centimètres, une de ses plus grandes toiles. Les chairs sont très rouges. Le sol du sous-bois entre lilas et lit de vin. Ce fauve abattu qui a l'air empaillé, ce gros homme, aux yeux ternes, figés, l'arme à la main, dans la pénombre violette, compose une image à la fois grotesque et funèbre. Toujours, il y a eu la mort dans sa peinture, alors qu'il n'est encore qu'un rapin parmi les autres, un admirateur anonyme de Delacroix. Il copie du maître la barque qui porte Dante et Virgile sur le fleuve infernal, parmi les corps convulsés des damnés. Un de ses premiers grands tableaux est le terrible portrait de ses parents, vêtus de noir, coiffés de noir, les yeux fixés à terre où il sera bientôt, le visage blême, creusé, la main droite crispée comme par la douleur sur l'appui du fauteuil, le père étant tête à tête avec la mort. Sa femme, un peu en retrait, est le témoin impuissant, désolé de cet entretien muet. Ses paupières sont baissées, sa bouche légèrement froncée par une moue de tristesse. Sa main gauche plonge dans l'arc-en-ciel de laine qu'enclôt une corbeille comme dans le peu de vie que réchauffent encore les couleurs au sein de tout ce noir. Leurs regards ne se croisent pas. Les regards ne se croiseront jamais dans la peinture de Manet. Cette reconnaissance dans les yeux d'autrui est refusée à ces personnages, dont la seule certitude semble être le sentiment de leur solitude. Puis il y a l'homme mort. Torero de tout son long étendu dans l'ombre, vêtu de son habit non de lumière, mais de nuit. Jamais on ne vit mort si tranquillement, si parfaitement mort, ne gardant sur lui aucun des faux plis de la vie, aucune trace des mouvements désordonnés où la vie jette ses dernières forces. Ce n'est pas un mort réel, mais un mort idéal, un gisant. Et cet homme est un torero. Mais à peu de choses près, il est aussi le garde national tombé sous la barricade de la lithographie guerre civile. Et les soldats qui fusillent Maximilien sous le mur de Querétaro sont les mêmes que ceux qui exécutent des insurgés dans la barricade, qui eux-mêmes sont un peu Maximilien et ses deux généraux, Mejía et Miramón. Il y a comme un bal de l'opéra de la mort, une valse, où les personnages échangent leurs positions selon des figures très codifiées. Pour Cabaner, l'efflanqué pianiste de chez Nina, l'immortel auteur du pâté, il peint le suicidé, renversé sur un lit de fer, pistolet encore en main, vêtu comme le général Miramón, d'un pantalon sombre, dans lequel est prise une chemise blanche que fleurit une large tache rouge. Le dernier portrait qu'il fait de Berthe Morisot la montre en deuil, tragique, brutalement peinte, visage fiché sur le bras, tout enveloppé et sabré de noir. Et il y a aussi l'angoisse qu'on lit dans les yeux de l'autoportrait à la palette, la tristesse dans ceux de la serveuse du bar aux Folies Bergères, son ultime chef-d'œuvre. Ces mots étrangement beaux sur quoi se taira Villiers. Adieu Malte, adieu toutes les belles choses. On les mettrait volontiers dans la bouche de cette mélancolique Suzon, à qui semble s'adresser un type au nez rouge, une sorte de porc masculin, assez pertuisesque, reflété dans un miroir selon des lois optiques bizarres qui sont peut-être celles du monde mort, différentes, mais légèrement, de celles du monde où nous avons l'impression de vivre. Et il y a encore cette Amazone, au visage de menthe énigmatique, serré dans une longue redingote noire, un mouchoir blanc passé sous le revers à la place du cœur, coiffé d'un huit reflets noir, dont la main gantée tient une cravache qui semble venir vers lui en messagère fatale. Il l'a peint en 1882, à trois reprises. Après elle, il n'y aura plus de portraits, plus de visages, seulement des fleurs et des fruits. Manet présente le portrait de Pertuiset au salon de 1881 avec celui d'Henri Rochefort. Non seulement les deux sont retenus, mais il obtient une médaille pour le chasseur de lions. Une médaille. Le peintre le plus révolutionnaire de son temps est heureux de gagner une médaille. Car il est heureux. Encore est-ce seulement une seconde médaille, mais elle lui ouvre le droit à exposer chaque année sans passer par le jury qu'il a tant de fois écarté. Monet, Renoir, Berthe, ses amis plus jeunes que lui, ont depuis longtemps renoncé aux cimaises du palais de l'industrie, mais lui ne s'est pas découragé. Son obstination lui attire même quelque ironie de ces impressionnistes dont il est supposé être le maître. Et maintenant le voilà dans la place. Il a gagné le droit d'y accrocher ses toiles chaque année comme des trophées pris à l'ennemi. Il a gagné ce droit. Mais il n'y aura plus qu'une année, plus que deux toiles. Jeanne et le bar aux Folies Bergères. Adieu toutes les belles choses. Son chasseur de lions recueille les sarcasmes habituels. Portrait de Monsieur Pertuiset au moment où il vient de tuer une descente de lit. C'est le titre d'une caricature de Robida. Mais ses ennemis de toujours sont moins acerbes, moins insultants, tandis que certains de ses habituels défenseurs, comme Huysmans, se font caustiques. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je sais à quel point vous êtes un bourgeois, lui lance Degas. Quand vos ennemis perdent le goût du sang, quand leur haine s'est fatiguée, cela veut-il dire que vous êtes devenu un bourgeois? Quand vos amis s'éloignent, cela veut-il dire que vous avez vieilli? Et Manet n'en reste pas là. Il se fait décorer de la Légion d'honneur par son ami Antonin Proust, furtif ministre des Beaux-Arts. Zola se gausse. Les critiques les plus réactionnaires brocardent l'insurgé médaillé. S'imagine-t-il qu'il s'est rendu? Qu'ils le tiennent à merci? Ce n'est pas d'aujourd'hui que je sais à quel point vous êtes un bourgeois. Mais qui peut juger? Qui connaît la souffrance de l'artiste qui, n'ayant pas courtisé son époque, en a été rejeté? Qui condamnera Baudelaire de s'être présenté à l'Académie? Ces distinctions, ces hochets qui font ricaner les mesquins, sont à ses yeux autant de petites victoires symboliques contre ce que Mallarmé, son ami le plus fidèle, a nommé les noirs vols du blasphème. La preuve qu'il n'a pas transigé, ni cédé sur rien, elle est dans les yeux mélancoliques de Suzon, la barmaid des Folies Bergères. Dans les deux petites bottines vertes de la trapéziste qu'on aperçoit, joyeusement, splendidement incongrues, tout en haut à gauche du tableau. L'été de 1882, Manet loue une maison à Rueil, rue du Château. Son pied gauche le torture. On ne devrait pas mettre des enfants au monde pour les faire comme ça, dit-il cruellement à sa mère. Pour soulager ses douleurs, il prend de l'ergot de seigle qui contracte les vaisseaux et donne des hallucinations. Si petit que soit le jardin, il a du mal à en faire le tour, appuyé sur une canne. Quand le temps le permet, qu'il ne souffre pas trop, il peint en plein air. L'arbre, la pelouse, la maison avec son petit fronton porté par deux colonnes blanches. Il passe des heures assis, le pied sur une chaise, à essayer de lire. Il laisse tomber le livre, regarde la lumière changer, les ombres tourner. À l'abri de la maison, il peint des natures mortes, des fruits. Quatre mandarines, des fraises à l'incarnat tiqueté de sombre, une corbeille de poires, des grenades, des pêches, des roses dans un verre à champagne, des mandarines, semblables à celles qu'on voit disposées sur le comptoir du bar aux Folies Bergères, telles les offrandes consacrées d'une messe à la beauté du monde dont la barmaid aux yeux tristes, revêtue de sa chasuble de velours bleu nuit et de dentelle blanche, les bras symétriquement écartés du corps en un geste sacerdotal, serait l'officiante. Adieu toutes les belles choses. La veille du jour de Pâques de 1883, il se rend à son atelier. Mary lui fait porter des œufs en chocolat par Elisa, sa femme de chambre. Il lui demande de poser, esquisse un portrait au pastel. Il ne peut terminer, lui demande de revenir le lendemain. Le lendemain, quand elle revient, il n'est pas là. Le pastel reste sur le chevalet, à jamais inachevé. Visage de profil, toque à plume, col blanc rabattu. Manet, alité chez lui, 39 rue de Saint-Pétersbourg, ne se relèvera plus. L'ergot de seigle, en restreignant la circulation, a causé une gangrène. Sa jambe gauche est noire. Les ongles du pied en tombent. Il ne reste plus qu'à amputer. Les chirurgiens sont le docteur Verneuil et le professeur Tillot. Le lendemain de l'opération, Léon, le fils qu'il a eu de la Hollandaise, qu'il a toujours fait passer pour son beau-frère parce que c'était un enfant illégitime, que c'était comme ça dans les familles bourgeoises, Léon, dont le nom est Lyon, le fils caché mais exhibé dans tant de ses tableaux, relevant le tablier de la cheminée, trouve le pied posé sur les chenets comme une vieille bûche calcinée. La fièvre persiste. On répand de la sciure dans la rue pour étouffer le bruit des roues. Seuls quelques amis très proches, Mallarmé, Nadar, Antonin Proust, sont autorisés à voir l'agonisant. 10 jours plus tard, le 30 avril, il meurt sans avoir vraiment repris connaissance.